Court à pied finit même par y prendre goût, et le repas se serait prolongé si l'épingle en tombant n'eût averti Georget qu'il était temps d'éteindre. Il le fit sans sonner le couvre-feu, c'est-à-dire sans avertir son père, qui exprima sa désapprobation en lâchant quelques jurons que le gamin fit semblant de ne pas entendre. Mais l'eau-de-vie monta à la tête de Court-à-Pied, et il se recoucha pour la cuver. Il n'était pas ivre, il n'était qu'étourdi, et c'en était assez pour lui ôter la faculté de penser. Georget, parfaitement lucide, comprit dès ce premier déjeuner qu'il ne fallait plus compter sur la coopération de son père pour sortir du caveau. Le vieux saltimbanque avait blanchi dans l'exercice d'un métier qui altère beaucoup, et après s'être égosillé à faire le boniment sur les tréteaux, il ne manquait jamais d'aller apaiser sa soif au cabaret. Il y avait pris le goût des alcools et, sans être ce qu'on appelle dans ce monde-là un pochard d'habitude, il lui arrivait de s'enivrer plus souvent qu'à son tour et, quand il était ivre, il n'était bon qu'à faire la parade. L'enfant, qui connaissait ce travers, résolut de se passer de Court-à-Pied, et il recommença sans lui à explorer le souterrain. Il s'habitua peu à peu à cheminer dans les ténèbres, en s'appuyant à la muraille, à éviter la galerie qui aboutissait à un précipice, et à s'avancer dans l'autre jusqu'à ce qu'il rencontrât le mur. Malheureusement, ces voyages n'amenèrent aucune découverte qui pût favoriser ses projets d'évasion. Il lui semblait bien qu'au bout de la galerie murée, il devait y avoir un trou dans la voûte, car il y sentait un air frais qui ne pouvait venir que d'en haut. Mais il avait beau lever la tête, il n'apercevait pas le jour. Alors commença pour lui une existence atroce. Court-à-Pied dormait sans cesse et ne se réveillait de temps à autre que pour s'alcooliser de plus en plus, et le pauvre Georget, qui ne buvait rien, souffrait horriblement de la soif. Et le temps s'écoulait sans qu'il pût se rendre compte du nombre des heures qui se succédaient avec une monotonie désespérante. Rien ne les distinguait les unes des autres, puisque dans ces profondeurs, il faisait toujours nuit. L'enfant n'allumait sa lanterne que pour donner à manger à son père, qui ne mangeait presque plus, mais qui, en revanche, savait fort bien, sans lumière, trouver le robinet, remplir le bidon et en verser le contenu dans son gosier. Ces misères ne pouvaient finir que par la mort, à moins que les contrebandiers ne s'avisassent de venir visiter le souterrain où ils entreposaient leurs marchandises. Georget pensait que s'il venait, ce serait par le puits dont il soupçonnait l'existence, et il se traînait encore au fond de la galerie dans l'espoir toujours déçu de les voir apparaître. Ce pénible voyage ne faisait que le fatiguer et le décourager davantage. Enfin, une fois, il eut une joie sur laquelle il ne comptait plus. Il entendit aboyer un chien. Georget, retranché du monde depuis si longtemps, se sentit renaître, et il fut aussi étonné que Robinson Crusoé, apercevant un pas d'homme sur le sable de son île. Ce bruit annonçait la présence d'un être vivant, et puisque Georget l'entendait distinctement, il devait exister une communication entre la galerie où il se trouvait et la surface de la terre. Le chien qui aboyait ne devait pas être loin de l'orifice du puits, et l'idée que ce chien était peut-être l'horrible vigoureux troubla sensiblement la joie de Georget, qui se dit « Zigzag l'aura laissé là pour garder la seule issue du souterrain et pour nous dévorer si nous essayons de sortir. Eh bien, tant pis, j'aime mieux être mangé par lui que mourir de faim. Mais je ne vois pas le puits, et quand je le verrai, je n'ai rien pour y monter. » Les aboiements avaient déjà cessé, mais Georget, en prêtant l'oreille, entendit au-dessus de sa tête des roulements sourds. Le tonnerre grondait dans le lointain, et l'orage se rapprochait, car les coups devenaient de plus en plus secs et sonores. Georget, ravi, regardait en l'air, attendant un éclair. L'éclair vint, zébrant le ciel noir, et à sa lueur fugitive, Georget entrevit une espèce de tuyau de cheminée qui s'ouvrait dans la voûte et qui arrivait au niveau de la plaine. Il lui parut que ce tuyau était assez étroit pour qu'on pût y grimper en s'arc-boutant aux deux parois comme le font les ramoneurs. Mais il ne commençait qu'à 6 ou 7 pieds du sol de la galerie, et l'enfant était trop petit pour y atteindre. La découverte de ce chemin du salut n'en était pas moins précieuse, et Georget se promit bien de vaincre les obstacles qui l'empêchaient de s'échapper par là. Il eut bientôt une nouvelle surprise, et une surprise agréable. Il sentit son front mouillé par de grosses gouttes d'eau. Les nuages orageux crevaient, et la pluie tombait avec assez de violence pour arriver jusqu'au caveau par le puits qui ne devait pas être très profond. De l'eau! C'était un trésor pour Georget qui mourait de soif, et il s'empressa de profiter de l'averse pour se désaltérer. Il commença par en recueillir dans le creux de sa main des parcelles qui ne firent qu'humecter sa bouche, puis il songea à employer un moyen plus pratique, le bidon que Courapier remplissait trop souvent d'eau-de-vie. Il revint sur ses pas, trouva le vase en fer blanc et l'emporta sans réveiller son père. Quand il arriva sous le bienheureux orifice, la pluie avait tourné au déluge. Il put en quelques minutes remplir et vider deux fois le bidon qui ne tenait guère plus d'une pinte, et le remplir encore afin de le rapporter plein à Courapier qui, pour le moment, ne songeait guère à se rafraîchir. Cette rasade tombée du ciel remit complètement Georget. Il se sentait prêt à tout tenter pour se sauver, et pour sauver son père, qui avait grand besoin d'être aidé. Mais il ne faisait rien sans réflexion, et, sans bouger de la place où il recevait une douche bienfaisante, il essaya de se rendre compte de sa situation et des chances qui lui restaient. Il s'expliqua d'abord pourquoi il n'avait jamais remarqué ce puits. Le hasard avait fait qu'il n'était venu que la nuit dans la galerie où il s'ouvrait, la nuit et par des temps couverts où les nuages cachaient les étoiles. Il avait fallu qu'un éclair le lui montrât. Mais le jour devait se lever tôt ou tard, selon l'heure qu'il était. Il ne s'agissait que de l'attendre pour y voir clair ou à peu près, car le jour n'illumine pas bien vivement l'intérieur des tuyaux de cheminée. Georget comprit aussi que ce trou ne pouvait servir de passage qu'à des hommes. Il n'était pas assez large pour qu'on y pût introduire des ballots volumineux ou à plus forte raison des barriques. Donc, le souterrain avait une autre issue et il devait communiquer avec la cave où le père et le fils étaient tombés. Il existait sans doute de ce côté une porte très habilement dissimulée dans la muraille, si habilement qu'il était inutile de la chercher. Et Zigzag la connaissait, puisqu'il l'avait ouverte pour jeter ses victimes dans un cachot plus inaccessible que le premier caveau placé directement sous le corridor. Zigzag était-il associé avec les fraudeurs qui emmagasinaient là leurs marchandises, ou avait-il seulement eu connaissance de ce souterrain abandonné par eux? Peu importait à Georget, qui ne perdit pas son temps à étudier cette question. Il fallait sortir par le puits, c'était évident, et il ne s'agissait plus que de préparer l'évasion. La grande difficulté, c'était d'atteindre l'ouverture percée dans la voûte de la galerie. Courapier, qui était deux fois plus grand que Georget, aurait pu y arriver en sautant, s'accrocher à quelque saillie et grimper tout seul, ou bien encore faire la courte échelle à son fils, qui passerait le premier. Mais si on usait de ces procédés, l'un des deux pourrait bien rester en route, et alors le problème ne serait résolu qu'à moitié. Georget songea à utiliser les barriques comme marchepied. Il avait pu constater que deux ou trois étaient vides, et par conséquent, faciles à rouler. Il résolut de faire seul cette opération préparatoire. Courapier n'était pas en état de l'aider, et il suffirait de le réveiller quand l'aube commencerait à poindre. L'orage s'éloignait et la pluie avait cessé de tomber. Georget rebroussa chemin, portant le bidon plein d'eau, et arriva bientôt à l'endroit où son père reposait toujours sur son lit de jambon. Il posa le vase à portée de la main du dormeur, et pour pouvoir travailler plus sûrement, il se décida, un peu à contre-cœur, à allumer sa lanterne. Il ne lui restait plus qu'une allumette, et il lui en coûtait de la sacrifier, car si l'évasion manquait, il allait être condamné aux ténèbres à perpétuité. Mais le moment était venu de brûler ses vaisseaux pour jouer une partie suprême. Il mit donc le feu à la bougie qui était consumée aux trois quarts et, pour y voir plus clair, il laissa ouverte la porte vitrée du falot. Il retrouva sans peine les fûts vides qui étaient les premiers de la rangée, en choisit un, celui qui paraissait le plus solide, et se mit à le pousser devant lui sans déranger Courapier, qui ronflait comme un tuyau d'orgue. Il eut au fait d'amener la barrique sous l'orifice du puits et de la dresser sur champ. Alors il leva la tête et il lui sembla que le ciel était déjà moins noir. Ce n'était pas encore le jour, mais c'était le crépuscule qui commençait. Dans une demi-heure, l'aurore allait se lever. Georget, ravi, grimpa sur la barrique pour attendre la lumière du soleil qu'il n'avait pas vue depuis 8 jours. Le lambeau du ciel que Georget apercevait par l'orifice du puits blanchissait à vue d'œil, mais la lumière d'en haut ne descendait pas encore jusqu'au fond du tuyau. Il semblait qu'elle fût tamisée par une clôture à claire-voie, et d'ailleurs, l'aube naissait à peine. Georget faisait des vœux ardents pour que le jour, qui allait paraître, fût illuminé par un beau soleil de printemps, car un temps nuageux n'aurait pas suffi pour lui montrer les facilités et les difficultés du chemin qu'il voulait prendre pour s'échapper. L'intrépide gamin, debout sur le fond de la barrique, avait déjà mesuré la distance qui le séparait de la voûte et reconnu que ses bras levés en l'air n'y atteignaient pas. Mais il espérait qu'en sautant, il pourrait s'accrocher, pour peu que ses mains rencontrassent un point d'appui. Et, pour tenter l'expérience, il attendit qu'il fît plus clair. Le chien n'aboyait plus, et tout danger extérieur paraissait écarté, car les rôdeurs de la plaine Saint-Denis rentrent dans leur tanière à l'heure où les honnêtes ouvriers se lèvent pour aller au travail. Et il était difficile d'admettre que Zigzag se promenait dans ces parages avec Amanda à la petite pointe du jour. Ils ne pouvaient pas deviner que leur dernière victime allait ressusciter. Georget se voyait déjà dehors et se demandait « Où irons-nous quand nous serons sortis de cette vilaine cave ? Chez la demoiselle, s'ils ne l'ont pas tuée, et qui sait si elle nous recevra ? Si elle nous croira quand nous lui raconterons ce qui nous est arrivé ? Si elle ne nous accusera pas de nous être entendus avec Zigzag ? Et puis, père lui en veut, et il est capable de lui dire des sottises. » À ce moment, la voix de Courapied l'appela par son nom, une voix enrouée, mais qui portait encore très loin, car le vieux pitre avait contracté sur les planches l'habitude de ne pas dire un mot sans crier à tue-tête. « Me voilà, père !» dit Georgette en sautant à terre. Il trouva Courapied assis sur les salaisons et jurant comme un païen. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ? » vociférait-il en secouant le bidon. « C'est de l'eau, père. Je te l'ai rapportée et tu peux la boire. » « Moi, j'ai déjà bu. »« Tiens, voilà ce que j'en fais de ton eau. » Et l'ivrogne jeta le liquide salutaire au nez de son fils qui avait pris tant de peine pour le recueillir. « Je veux de l'eau de vie, » reprit-il. « Tourne le robinet. »« Mais père, il faut te lever. J'ai trouvé un chemin pour sortir d'ici. » »« Eh bien, va-t'en. Je reste près de la barrique. Et puisque tu ne veux pas me servir, je vais me servir moi-même. » Il étendit le bras, saisit le robinet, et pendant que l'alcool coulait à flots, il essaya de remplir son bidon, mais en s'agitant, il fit un faux mouvement qui renversa la lanterne avec la bougie allumée. Georget se précipita pour la relever. Il arriva trop tard. La terre, imprégnée de 3-6, prit feu comme un tas de soufre, et la flamme força le courageux enfant à reculer. Il ne fut pas atteint, mais Courapied, aussi imbibé que le sol, se mit à brûler comme le buisson ardent au milieu duquel Moïse apparut à son peuple. Le pauvre pitre se tordait en poussant des cris épouvantables, et son fils essayait vainement de le saisir par ses vêtements qui flambaient. Il y serait peut-être parvenu, mais par surcroît de malheur, la barrique surchauffée éclata, et l'alcool qu'elle contenait se répandit comme un torrent de feu qui engloutit aussitôt Courapied. Georget, qui avait eu la présence d'esprit de faire un bond en arrière, reçut des éclaboussures et n'eut que bien juste le temps de se sauver. Son père était perdu. Les flammes remplissaient le caveau. Les autres barriques allaient sauter aussi. À quoi eût servi à l'enfant de rester dans ce brasier ? L'instinct de la conservation l'emporta, et Georget s'enfuit à toutes jambes, poursuivi par une fumée épaisse qui faillit l'asphyxier. Il ne commença à respirer qu'après avoir dépassé l'endroit où la galerie bifurquait, et il n'y serait pas resté longtemps sans périr étouffé, car l'incendie augmentait avec une rapidité effrayante. Mais il retrouva sa barrique. Il sauta dessus et, en levant la tête, il vit non seulement le jour, le plein jour, mais encore des barres de fer qui faisaient saillie dans le mur du tuyau, de véritables échelons, comme on en met dans les puits d'égout pour faciliter aux égouttiers la montée et la descente. La plus basse de ces barres était bien à 1 mètre au-dessus de Georget, mais il était souple comme une anguille et leste comme un chevreuil. Il prit son élan, saisit le premier échelon, s'enleva à la force du poignet pour attraper le suivant et continua ainsi jusqu'à ce que ses pieds eussent trouvé un point d'appui. Le reste n'était plus qu'un jeu pour un garçon qui apprenait la gymnastique depuis l'âge de 4 ans. Seulement, la fumée qui se répandait par tout le souterrain avait gagné le puits et, attirée par l'air extérieur, montait en gros tourbillon qui enveloppait le malheureux Georget. Il n'y voyait plus clair, quoique le soleil brillât dans un ciel pur. Mais il grimpait toujours et il calculait que cette pénible ascension devait toucher à son terme. Tout à coup, sa tête heurta un obstacle. L'orifice du puits était fermé par une grille en fer. Georget, cette fois, crut bien qu'il était perdu. Autour de lui, la fumée s'épaississait de plus en plus. Elle devenait brûlante, et le pauvre petit se trouvait dans la situation d'un homme assis sur le haut d'une cheminée dans laquelle on fait du feu. Il poussa de toutes ses forces avec sa tête, et même, en se courbant, avec ses épaules. Il lui sembla que la grille cédait un peu. Au moment où il tentait un suprême effort, il entendit de nouveau l'aboiement qui l'avait déjà effrayé. Mais cette fois, le chien avait le museau collé sur la grille. Georget sentait son souffle à travers les barreaux. « C'est vigoureux, » murmura-t-il, « je suis perdu. » Périr étranglé par les dents d'un dogue furieux ou périr étouffé dans le souterrain, c'était tout un. Il allait lâcher les échelons lorsqu'il fut poussé par une force inconnue et assourdi par le fracas d'une épouvantable explosion. Georget, à ce coup, perdit le sentiment de l'existence et fut jeté hors du puits par une impulsion irrésistible. Tout sauta en même temps, lui, la grille et le chien. L'éruption d'un volcan n'aurait pas produit des effets plus surprenants que cette poussée, partie du caveau où 8 pièces d'eau-de-vie venaient d'éclater à la fois. Le tuyau par lequel l'enfant était monté vomissait maintenant des flammes et des torrents de fumée noire. La terre avait tremblé et un pan de mur de la maison rouge s'était écroulé. Le soleil qui se levait éclairait une scène de désolation et on voyait accourir des gens attirés par le bruit. Lorsque Georget reprit ses sens, il y avait déjà autour de lui 5 ou 6 individus qui ne paraissaient pas faire partie de ce qu'on appelle les classes dirigeantes. 2 chiffonniers, 2 rôdeurs de barrières et 2 employés de l'octroi qui s'en allaient prendre leur service à la porte de Saint-Ouen. Dans le lointain, le chien fuyait à toutes jambes et personne ne courait après lui. Georget ne se préoccupait plus de savoir s'il avait eu affaire à Vigoureux. Son premier mot aux gens qui l'entouraient fut « Mon père, sauvez mon père !»« Et où est-ce qu'il est, ton père ?» demanda un vieux chiffonnier. « Là, dans le souterrain. » « Tiens, ricana un des voyous, il y a un souterrain, c'est comme à l'ambigu. »« Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans, ton père ?» reprirent en chœur les douaniers. « Il y est tombé avec moi. »« À quoi donc vous avez mis le feu ?» interrogea le chiffonnier. « T'es roussi comme un cochon de lait qu'on vient de flamber. »« À des barriques d'eau de vie, mais laissez-moi aller à son secours, je vous en prie. »« Tiens, tiens, » murmura un des employés qui portait les galons de brigadier. Des spiritueux, faudra voir. » Et il parla tout bas à son camarade qui s'achemina au pas accéléré vers la caserne de gendarmerie qu'on a construite sur le boulevard Bessières, tout près du poste de l'octroi. Pendant ce colloque, d'autres curieux arrivèrent et parmi eux le patron de l'établissement intitulé « Le tombeau des lapins », le père Villard en personne qui, à peine mis au courant de l'événement, s'écria « Il y a 8 jours que ça se mijote, cette affaire-là. Toutes les nuits, on voyait de la lumière dans la maison rouge, et ce n'était pas pour des prunes. Mais lave-la par terre, c'est bien fait, ils ne recommenceront pas. Et dire que vous autres, gabelous, vous n'avez pas eu le nez de pincer l'entrepôt de ces chenapans-là à 500 mètres de la barrière. » « Il est encore temps ?» grommela le douanier. Et, secouant Georget qui pleurait à chaudes larmes, « Allons, mauvais gueux, conduis-moi à l'entrée de la cave où tu as laissé ton père. » « Oh, je veux bien !» sanglota l'enfant. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le puits qui fumait toujours s'ouvrait tout près du tas de pierres où Camille et ses amis s'étaient arrêtés pour délibérer avant de pénétrer dans la maison. Par conséquent, le souterrain s'étendait du côté de la route de la révolte et il ne s'étendait pas très loin, mais le pan de mur que l'explosion avait renversé obstruait précisément l'entrée du corridor où Courapied et son fils étaient tombés dans une trappe. « C'était là !» murmura Georget, en montrant du doigt cet amas de décombres. « Bon, tu fais le malin, tu ne veux rien dire. Il faudra bien que tu parles quand tu seras en prison. »« En prison, moi ? Mais je n'ai rien fait de mal !»« On te lâchera quand tu auras dit où est le reste de la bande. Tu ne vas pas me soutenir que tu n'en étais pas. » « C'est lui qui servait de mouche aux fraudeurs !» affirma le propriétaire du tombeau des lapins. « Oui, oui, menez-le au poste !» crièrent les autres. « Eh bien, » dit Georget exaspéré, « je vais vous suivre, mais je veux qu'on porte secours à mon père. On n'abandonne pas un homme sans essayer de le sauver. »« S'il est au fond du trou, il y a longtemps qu'il est fumé !» reprit un des rôdeurs. « J'y descendrai bien !» ajouta un chiffonnier. « Mais il n'y a pas mèche !» Il s'approcha du puits et il recula, chassé par les vapeurs brûlantes et nauséabondes qui en sortaient. « Encore, si ça ne sentait que l'eau de vie, mais c'est comme une odeur de côtelette brûlée, tout est cuit !» Georget fondit en larmes. Il comprenait que son père était mort. Peu lui importait maintenant ce qu'on ferait de lui. « Comment t'appelles-tu ? » lui demanda brusquement l'employé de l'octroi. « Georges Courapied. » « Drôle de nom tout de même !» « Quel métier fais-tu ? » ?»« Il est larbin, » dit un des voyous. « Ça se voit bien, sa veste qu'a 36 boutons. »« Non, » murmura Georget. « J'étais dans une troupe. »« Une troupe de quoi ? Tu ne nous feras pas gober que tu étais figurant dans un théâtre. »« Mon père et moi, nous faisions les foires. »« Ça se peut bien, tout de même. J'ai dans l'idée que je l'ai vu cette année à celle au pain d'épices. »« C'est vrai, nous y étions. »« Il ne s'agit pas de tout ça, » dit le douanier. « Où demeures-tu ? » « Nous logions dans la baraque du patron. »« Et maintenant ?»« Nulle part. Le patron a fait faillite et nous ne savions pas ce que nous allions devenir quand nous sommes tombés dans la cave. »« Tu te fiches de moi, mauvais crapaud. Mais ton compte est bon. Je vais commencer par te coller au poste. On verra si quelqu'un vient t'y réclamer. » Georget avait sur les lèvres le nom de Camille Monistrol, mais dans sa sagesse précoce, il jugea que la bonne demoiselle qui l'avait recueillie lui saurait mauvais gré de la mêler à une vilaine affaire, et il se tut. Deux gendarmes s'avançaient, guidés par l'autre douanier. Georget se résigna à aller en prison, plutôt que de nommer mademoiselle Monistrol.